Bonjour et bienvenue sur Vous avez une heure. Vous avez une heure, c'est un podcast consacré à l'histoire et à la société de façon générale. Régulièrement, nous nous réunirons, mes chroniqueurs et moi-même, pour parler d'un de ces sujets sans fioritures, sans se prendre au sérieux et surtout sans en être des spécialistes. Vous avez une heure, c'est une émission de vulgarisation au sens noble du terme et la promesse que tout le monde peut parler de tout, ou en tout cas essayer de le faire. Mais vous avez une heure, c'est aussi votre émission, puisque ce seront en principe les sujets que vous proposerez qui seront tirés au sort. J'en profite d'ailleurs pour remercier les premiers participants qui ont proposé leurs sujets. Vous êtes donc tous invités à proposer aussi vos sujets sur notre page Facebook, et pour les plus dingos d'entre vous, de postuler pour venir directement au micro. Alors n'hésitez plus, venez nombreux avec votre bon esprit et votre curiosité. Mais trêve de mondanité, je vous laisse avec l'émission en espérant que vous l'apprécierez. Générique. C'est difficile de gouverner les Français. Honnêtement, oui. Je ne connais pas les questions à l'avance, hein. Je ne connais que les réponses. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de perlimpinpin. Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. Sauf fatigue déjà, puis pour les autres, vous vous rendez pas compte de ce que c'est. Je suis souple dans mes baskets. Et là, normalement, il faut une citation latine, mais j'en ai marre. J'ai fait l'impasse. Regardez, ils sont là, ils sont dans les campagnes, ils sont dans les villes, ils sont sur les réseaux sociaux. Mais de qui pouvait bien parler cette candidate au second tour de l'élection présidentielle de 2017 ? En effet, qui est à la fois dans les campagnes et dans les villes ? Les pigeons. Et de qui et que fait-on la plupart du temps quand on est sur les réseaux sociaux ? On se plaint. Et de quoi se plaint-on en ville ? Aussi des pigeons. Je crois que la réponse est claire et tout est lié. Les pigeons sont incriminés. Longtemps prince des villes, messager infatigable et ami des hommes, ceux-ci semblent être devenus des putains de nuisances et son nom est associé aujourd'hui au premier contribuable venu. Alors parlons-en, mais parlons-en en une heure et parlons-en avec mes deux chroniqueurs. Alors pour cette première, je souhaite inviter des spécialistes du sujet en les personnes de Maxime et Anne-Gaëlle. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Anne-Gaëlle. Alors, toi, Maxime, qu'est-ce que ça t'évoque, les pigeons ? Bah, moi, les pigeons, c'est un peu toute ma vie. Depuis que je suis tout petit, je me sens vraiment comme un pigeon. Parce que à la fois, je suis libre, puisque je m'appelle Max. Et donc, il y en a qui m'ont vu voler. Hein, et puis, on dit parfois que je suis un peu naïf, mais c'est une naïveté un peu camouflée. Donc, ces pigeons, on pense que je suis naïf, mais en fait, je suis un animal très intelligent. Donc, je suis très content d'être ici pour parler de ce que j'aime et de ce qui fait un peu ma vie. Alors, et donc toi, Anne-Gaëlle, qu'est-ce que ça t'évoque, les pigeons ? Moi, les pigeons, c'est avant tout le mépris, parce qu'un pigeon, c'est sale, c'est moche, l'accordage des couleurs sur la robe est absolument nul à chier. Mais en même temps, les pigeons, je me dis, est probablement un des êtres les plus malins, puisque pourquoi sinon sont-ils si nombreux dans nos villes ? Est-ce que la vieille dame qui parle de pigeons lui donne des informations secrètes et tous ensemble, ils conspirent pour venir par nous diriger ? Eh bien, un sujet qui inspire visiblement grandement nos chroniqueurs pour cette première émission. Alors, attends, c'est insupportable de s'entendre en retour. Donc, oui, j'en étais où ? Alors, donc, pour cette première émission, on va commencer par un extrait d'un film assez connu. Regarde cette plume. Tu la vois ? Elle est visqueuse. Parce que le mâle secrète une matière grasse et puante qui attire la femelle dans ses filets. La nature. Pigeon. Oiseau à la grise robe. Dans l'enfer des villes, à mon regard, tu te dérobes. Tu es vraiment le plus agile. Donc, d'abord, on va s'interroger sur qui est le pigeon. Alors, donc, petite définition ornithologique avant de vous lancer. Pigeon, c'est, je cite, un oiseau domestique granivore de la famille des colombidés, au bec grêle, renflé et courbé, aux ailes courtes, au vol rapide et facile, au plumage abondant et varié, selon les espèces, et dont la chair est savoureuse. Mmh. Était. Alors, donc tout d'abord, on va mettre les choses au clair. C'est quoi la différence entre le pigeon et la colombe ? Eh ben, il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mais oui. Et ça vient d'où, en fait, cette différence, comme ça ? Bah, ça vient que la colombe est blanche et le pigeon est gris. Voilà. C'est juste une histoire de couleur, en fait ? C'est juste une histoire de couleur, mais même il y a des pigeons blancs, mais c'est, en fait, c'est pour créer une séparation politique. C'est ça. Et encore une fois, c'est le mâle blanc. Voilà, et encore une fois, c'est les personnes de couleur qui prennent. C'est vrai. Ouais. Non, c'est toujours pareil. Ça mais en même partout. Temps, quand on regarde la robe du pigeon, on est d'accord que gris plus vert plus noir, c'est pas génial comme assemblage. Je sais pas, on dirait un drapeau d'un pays d'Europe de l'Est, mais c'est tout. Alors bon, au niveau de la description, vous pouvez me dire quoi sur le pigeon ? Bon, le pigeon, comme on a dit, c'est un animal avec un plumage bleu-gris, une queue blanche. Les plumes sont d'un vert violacé pas top. Et puis, on a une petite collerette sur le haut de la tête et du cou. Bon, en ce qui concerne son alimentation, bah, il se nourrit de graines, de fruits, des insectes aussi, mais aussi de la viande et des déchets. N'avez-vous jamais vu un pigeon en train de picorer un mégot ? Un pigeon dans les poubelles ? Ouais, mais oui. Sûr. Bah oui, non, mais dès qu'il y a un kebab, il y a un pigeon. C'est temps. Alors, mais bon, là, quand même, on parle d'un certain type de pigeon, c'est le pigeon domestique, c'est 90% de la population, c'est le pigeon bisé. Alors, la particularité de ces pigeons, c'est qu'en fait, ils étaient à la base sauvages, exactement, ils ont été domestiqués par l'homme, ils sont redevenus sauvages, ce qui est un cas très rare. Alors, il y a un mot pour ça. C'est quoi le mot, Angèle ? Je crois qu'il s'agit de l'adjectif féro. Féro. Hein, les oiseaux féro. Hein, comment s'écrit féro ? Écoutez, mon cher Louis, ça s'écrit F-E-R-A-U-X. Et je dis oui ! Ah, fier pigeon bisé, sauvage. Fier pigeon hollandais, allez checker sur internet à quoi ça ressemble. Alors, durée de vie du pigeon 5 à 10 ans environ, sachant qu'on a des pigeons en captivité, hein, notamment dans le pigeonnier, le colombier du château de Schönbrunn, ou Schönbrunn, je ne sais plus. Ça dépend si on aime les rasoirs électriques. Et du coup, là, on a des pigeons qui durent jusqu'à 45 ans. Mais c'est vraiment... Ça veut dire que finalement le pigeon est un peu un parasite, quoi. Il préfère moins travailler et moins gagner, mais vivre plus longtemps avec les aides sociales. Voilà, c'est ça, plus longtemps avec les aides sociales. Donc, on remercie Angèle pour ce pognon de dingue dans ce pigeonnier de Schönbrunn, disons-le. Donc on remercie Angèle pour ce propos de droite. Ça manquait à cette émission. Bien sûr. On commence. Déjà qu'on a cité Marine Le Pen dès le début, c'est bien, on est sur une bonne lancée. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire sur son milieu naturel d'avant et d'aujourd'hui ? Son milieu naturel a changé. C'était les falaises. Ah, les belles falaises. De la Méditerranée. Les falaises de la Méditerranée. Vous coupez. Alors, déjà, d'une part, les falaises en Méditerranée, il n'y en a pas beaucoup. C'est pas faux ce que tu dis, Max. Donc, moi, je voyais plus falaises d'Étretat, Bretagne, voilà, mais bah falaises méditerranéennes, on est un petit peu dans le mal. Donc, on est sur Maxime, spécialiste en falaises de la Méditerranée. C'est bien connu. Mais il faut quand même reconnaître qu'il reste quelques éléments sauvages, hein, qui vivent encore aujourd'hui dans leur milieu naturel. Ils sont bien rares. Effectivement, c'est bien dans des falaises et autres milieux rocheux qu'on retrouve des pigeons sauvages. Alors, mais aujourd'hui, mais le type domestique est prédominant. Voilà, aujourd'hui, il est domestique et il se situe dans la ville. Mais oui, mais qu'est-ce qui ressemble à, voyons, qu'est-ce qui ressemble à une falaise dans nos villes, si ce n'est nos fiers monuments, hein. Notre-Dame de Paris, par exemple, avec ses multiples ouvertures, ses multiples caches pour pigeons. Est-ce qu'on peut dire que la Tour Eiffel est un hôtel 4 étoiles pour pigeons ? Finalement, voilà. Dans le gothique flamboyant, on ne crée pas des espaces pour les pigeons. C'est une vraie question. Ouais, tout que à les fait. Historiens ouais. de l'art ne se posent pas assez. Ouais. Ah ouais. Et d'ailleurs, ça me fait penser qu'il n'y a pas... Enfin, j'oserais un petit parallèle avec les comics. Hein, on connaît tous Ant-Man, Spider-Man, Batman. Mais pourquoi pas Pigeon Man, hein ? Pourquoi pas Pigeon Man ? La question est posée. Maxime, ouais. Tu lui verrais finalement à Pigeon Man. Vert de gris. Le premier héros de comics allemand. Oh bon. Et est-ce que des pigeons, on n'en trouve qu'en Europe finalement ? Enfin, je veux dire, Ah ben non, ils sont dans le monde entier. Alors, les pigeons. Les pigeons sont. Est-ce que ça ne présuppose pas justement un pigeon exotique qui serait venu d'Iran, d'Asie mineure, chez nous ? Par bateau. Oui, alors voilà, donc en fait, c'est d'où viennent les pigeons et comment ils sont apparus dans la vie des hommes. Donc, on va parler de la domestication des pigeons maintenant. Donc, cette domestication, elle commence dans l'Antiquité, aux alentours de... On est entre moins 10 000 et moins 3 000, une époque trouble. Bravo. On est dans une époque trouble du monde, voilà. L'Antiquité, on a ces pigeons sauvages. Les grandes civilisations se constituent aux alentours de la Méditerranée. On a des grandes villes qui naissent, comme Alexandrie, Athènes... Rome même parfois. Et ces pigeons quittent leur falaise naturelle pour aller s'installer dans les temples et les monuments. Et d'ailleurs, ils sont assimilés à des messagers de dieux, puisque des dieux, hein, je précise, puisque ils logent dans ces temples. Et voilà. Les blés sont fertiles, les champs fertiles. Finalement, la domestication est assez rapide, puisque l'homme a su l'attirer en lui aménageant des espaces, hein, et également en lui trouvant une utilité, puisque le pigeon devient le messager. Le pigeon en est un. Voilà, dans la Bible, finalement, est-ce que le pigeon colombe, hein, bon, la colombe, Adam et Pion, bien sûr, au pigeon, mais est-ce que la colombe n'est pas le messager de la fin de la crue pour... La crue du déluge, oui, avec toute cette eau qui coule. C'est vrai, parce que dans la Bible, si on avait appelé le déluge la crue, ça aurait beaucoup moins d'impact. 40 jours de pluie, bon, voilà, quoi. 40 nuits de pluie pour une crue. Mais de 1m20 quand même. Okay. Tout la Mésopotamie était en plein orange, c'était horrible. Bon, on enchaîne. L'anecdote pour nos amis qui sont pas allés au catéchisme, c'est Noé dans son rafio là qui merci de rappeler la base, on l'avait pas capté. Un peu comme un c'est, grand. Oui, voilà. J'ai pas fait le catéchisme, c'est gentil, merci. Qui envoie une colombe qui revient avec un rameau d'olivier dans le bec, hein, qui signale donc qu'il y a de la terre. Donc on peut enfin passer maintenant donc à cette relation entre l'homme et le pigeon. Pourquoi est-il aussi important complexe. Et donc tout d'abord la question sûrement du pigeon voyageur. Alors qu'est-ce que le pigeon voyageur, donc, d'où ça vient? Moi je voudrais d'abord dire que le pigeon voyageur est une attaque très prisée dans Worms. Tu peux mettre un pigeon voyageur qui généralement explose ton adversaire. Ça coûte pas cher et ça fait plaisir. Donc déjà ça monte l'image positive, hein, du pigeon voyageur. Ça coûte pas cher. Donc voilà, alors son utilisation est historique, hein, ça remonte à l'Antiquité, ça a été réintroduit en Europe, enfin ça existait déjà du temps des Romains, puis on l'a perdu au Moyen-Âge et on l'a réintroduit du temps des croisades, puisque donc on retrouve le pigeon voyageur dans le monde entier, en Chine, en Égypte, chez les Perses, chez les Grecs, et le développement de cette colombophilie pour permettre la communication. Alors, le pigeon voyageur se fête à la Sainte-Catherine, hein, puisque Sainte-Catherine Labourée fut choisie comme patronne des colombophiles. Je me permets de préciser pour les ignorants qui nous écoutent. Donc Sainte-Catherine, alors, c'est très intéressant ce que tu dis, parce que moi qui viens de Vesoul, je peux quand même te dire, Maxime, qu'il y a une fête de la Sainte-Catherine où toutes les personnes non mariées de moins de 25 ans portent un chapeau ridicule en rapport avec leur profession. Et donc je ne sais pas comment rattacher ça aux pigeons, mais je tenais à le dire parce que tu as nommé Sainte-Catherine. Alors, je tiens à dire que cette fête n'existe pas qu'à Vesoul. Mais dans tous les bleds de France. Une fête nationale de beauf, mais qui au niveau national. Cher ami auditeur, j'espère que tu as appris quelque chose donc aujourd'hui. Pour recentrer au niveau des pigeons, donc c'était vraiment un outil de communication majeur. Et donc, il se retrouve notamment au niveau militaire. Oui, on trouve des traces d'utilisation du pigeon dès l'Antiquité, notamment pour la transmission de messages stratégiques, des alertes aux frontières. Hein, ça peut couvrir de grandes, grandes distances. Et la poste par pigeon fut également mise à l'honneur par le sultan Saladin lors du siège de Ptolémias. Et c'est par ce même moyen que le débarquement de Saint-Louis en Égypte fut annoncé au sultan du Caire et que furent appris les résultats de la bataille de Mansoura, si désastreuse pour les chrétiens, qui fera probablement l'objet d'un prochain podcast pour vous expliquer ce que sont ces événements. Néanmoins, pour rester sérieux, le pigeon qui s'est illustré, vraiment, c'est un pigeon qui s'est illustré durant la Première Guerre mondiale. Voilà, et de qui s'agit-il? Alors, c'était Première Guerre mondiale, fin d'utilisation des pigeons en tant que carte de guerre, un peu, en termes de communication pour la guerre. C'était Vaillant. Voilà. Il y a un dessin animé très mauvais qui a été sorti récemment, d'ailleurs. Voilà, et donc Vaillant, bah, récompensé à l'Ordre du Mérite en 1916 pour son rôle dans la bataille de Verdun. Alors, qu'est-ce qu'il a fait dans cette bataille de Verdun? Alors, si je me souviens bien, il a transmis des informations pour signaler que les Boches arrivaient, enfin les Allemands, pardon, excusez-moi, amis allemands, que les Allemands arrivaient. Et alors, Vaillant, il a passé les gaz toxiques, clairement, c'est une grosse bruit de Vaillant. Il est mort à la fin, d'ailleurs. Hein, il a été lâché du Fort de Vaux le 4 juin 1916, voilà, pour préciser votre propos, Louis, et il devait apporter à Verdun le dernier message du commandant Rénal avant la chute de ce fort. Et le message était, je cite, « Nous tenons toujours, mais nous subissons une attaque par les gaz et les fumées très dangereuses. Il y a urgence à nous dégager. Faites-nous donner de suite toute communication optique. » par Souville qui ne répond pas à nos appels. C'est mon dernier pigeon signé Rénal. Ah, quel héros ce vaillant. Mais on a une anecdote aussi avec des radars, je crois. Non, c'était le projet pigeon. Hein, voilà, parce que autant on ne va pas aller plus loin au niveau des noms de projet. Et donc le but, c'était que les pigeons, en gros, picoraient un écran où il y avait une cible. On leur avait formé à picorer cette cible. Et ça guidait le missile vers la dite cible. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait trois pigeons dans le missile et que ça fonctionnait par un système de majorité. C'est-à-dire que si au moins deux des pigeons picoraient la cible sur leur écran, ça confirmait la direction. Alors, on a trouvé des technologies plus sécurisées ensuite. Voilà, heureusement, ça n'a jamais été mis en place. Parce qu'en fait, c'est l'avantage des guerres, c'est que ça motive pas mal l'imagination des hommes. On aime bien utiliser les animaux pour faire des trucs après. Savoir qu'en France, on possédait encore une unité de colombophilie jusqu'en 2014. Pardon. Oh, 2014, voilà. Et aujourd'hui, on l'a dissous parce qu'on s'est vraiment dit que ça ne servait plus à rien, quoi. Alors, si on s'éloigne un peu de la guerre, il y a des hôpitaux qui employaient des pigeons voyageurs pour transporter leurs produits à analyser de l'hôpital au laboratoire, notamment dans des îles isolées. Ou dans certains territoires comme Avranches, dans la Manche ou Granville. Hein. Donc c'est intéressant. Très colombophile. Oui, parce que bon, en France, voilà, les déserts médicaux imposent d'utiliser les pigeons pour pouvoir communiquer entre nous. Hein, c'est une important. Technique qui devrait être réhabilitée vu le nombre de déserts médicaux aujourd'hui. Donc ensuite, finalement, le pigeon voyageur, là, dont on parle depuis tout à l'heure, il y a un système de fonctionnement. Comment ça fonctionne? Alors, il y a plusieurs hypothèses qui justifieraient ce sens de l'orientation incroyable. Quelles sont-elles? Bon, alors, il semblerait qu'on nous ait beaucoup menti dans les films, puisque le pigeon ne va pas n'importe où. En fait, le pigeon retourne toujours à son point de départ. Un pigeon fait un trajet entre le point A et le point B. Il faut l'emmener au point B, il reviendra au point A. Donc, je pense qu'on nous a beaucoup menti dans les films où le pigeon va là où l'homme lui dit d'aller, sur un champ de bataille inconnu. C'est faux. Vol, petit pigeon. Ah, c'était une explication très claire, incroyablement claire. Ah oui. Je ne m'y attendais pas du tout. Mais donc, ça nécessite quand même pas mal de choses, notamment bah, de posséder des pigeons élevés dans le pigeonnier du destinataire. C'est ça. Pour pouvoir lui envoyer des messages. D'où le signe de richesse. Ça limite le nombre de messages. ça limite le nombre de messages, ça oblige d'en avoir plusieurs. Et puis surtout, ça veut dire qu'en fait, dès qu'on a reçu le pigeon et qu'on a envie de recevoir un autre message, ben le pigeon-là, il ne sert plus à rien. Quoi. On l'a reçu, mais il faut le renvoyer à pied. On suppose qu'effectivement, il se repérerait par rapport au soleil et peut-être par rapport aux étoiles, mais il s'orienterait aussi avec des infrasons et il serait sensible au magnétisme de la Terre. C'est ça. Il se repérerait en fait avec, grâce à des métaux lourds dans leur bec. Alors ça, je laisse Louis nous expliquer. Alors, je ne saurais pas du tout expliquer, mais je peux juste dire que c'est de la magnétite et de la magémite. Alors, j'invite tout à chacun à proposer le sujet magnétite ou magémite dans les sujets du podcast. Ça sera sûrement très intéressant. On va passer un excellent moment à parler spécialistes sur le sujet, justement, donc ça tombe bien. Voilà, alors sur un sujet sur les métaux lourds et la France, ça va vraiment être très sympa. J'ai hâte de le faire avec mes chroniqueurs. L'orientation, mais oui, mais... Alors bon, après, donc finalement, avoir un pigeon voyageur, c'était un peu avoir un 06 à l'époque. C'est même avoir plusieurs 06, oui, ou un forfait gold, ou un forfait premium. C'est l'équivalent à avoir des téléphones jetables, en fait. Ouais, c'est ça, mobicarte. Le pigeon, est-ce qu'on le mange aussi? Parce que c'est sympa de l'utiliser comme portable. Non. Juste avant, parlons quand même du principal ennemi du pigeon voyageur, qui est l'orage. Allez-y, oui, c'est vrai, mais on n'en a pas parlé. Puisque on parle de sensibilité au magnétisme ou de s'orienter avec le soleil, et nombre de pigeons voyageurs se sont perdus lors d'orages ou de tempêtes. Donc l'orage. Voilà, si vous parce qu'un orage, c'est une concentration d'éléments magnétiques. Alors, ça perturbe le pigeon, donc on ne peut pas envoyer, par exemple, de pigeons dans le triangle des Bermudes. Et justement, mais là j'ai une anecdote sur le sujet, c'est que la plus grande distance traversée par un pigeon, c'est à peu près 6000 km, et ça viendrait d'un pigeon qui était au Japon, qui s'est perdu vers le Canada, qui serait pris dans un orage et qui, pour faire la distance, s'est posé sur un cargo. Ouais. Donc voilà, translation. On est sur un tricheur hein, quand même, parce que bon, faire 6000 km en étant posé sur un cargo, on peut le faire. Mais voilà, c'est quand même grande distance pour un pigeon. Mais aujourd'hui, on a des exemples récents de personnes qui pratiquent la colombophilie, l'élevage de pigeons voyageurs. Maxime. Tout à fait. Ce qu'il faut savoir, c'est que actuellement, la colombophilie, ce n'est plus un travail, c'est un sport. Enfin, un sport autant que en tant que pratique sportive. Il faut quand même ouvrir les cages à pigeons, ce qui nécessite un sérieux coup de coude, hein, de poignet, un sérieux tour de poignet. Mais c'est vraiment un sport qui fleurit partout, surtout en Belgique et dans le Nord, hein, et dans le Nord et en Hollande. Élever son pigeon, croiser des espèces, faire des concours de beauté. Comme Pokémon. Voilà, comme Pokémon par exemple, mais en vrai. Et il faut savoir que ça peut valoir une petite fortune. Voilà, je ne sais pas si on en a parlé dans la partie coupée. Combien qui coûte le pigeon ? Le pigeon le plus cher vendu au monde, hein, ça a été l'année dernière en Belgique. Et donc, il s'appelait Golden Prince, si mes souvenirs sont bons. Relevé par le magazine spécialisé de vente aux enchères de pigeons Pipa. Hein. La sœur de, voilà, de pour, la femme Pigeon Paradise. Et donc, il a été adjugé pour une valeur tout de même de 370 000 euros. Donc, je vous vois avec des dollars dans les yeux. Comment être un pigeon, ouais, pour acheter ? On peut le dire. En tout cas, j'espère qu'il enverra nombre de messages pour être rentabilisé. Anne-Gaëlle proposait tout à l'heure qu'on aborde le sujet quand même de le pigeon en tant que nourriture. Hein, c'est vrai, parce qu'il y a un vrai sujet aussi historiquement. Le pigeon est consommé depuis l'Antiquité. Donc, d'ailleurs, on retrouve des recettes bien avant. Vous en avez déjà mangé des pigeons d'ailleurs, vous ? Mais je sais pigeon pas. Pigeon d'eau. Je sais pas, peut-être. Sauve un petit peu la honnêtement, je sais pas. Pigeon. Honnêtement, je crois pas en avoir mangé non plus. Enfin, je sais pas si on est à la cantine du ministère. Ouais, non, peut-être, je sais pas si dans les McNuggets. Oui. Est-ce que les nuggets sont composés de pigeons ? Mais j'espère que non. Point qui mérite d'être soigné. Ouais. Voilà. Mais en attendant, pendant très longtemps, on l'a consommé. C'était un grand plat de riche. C'était un plat extrêmement couru, un plat de gourmet. Et puis, qui s'est démocratisé jusqu'à ce que j'avais cette statistique qu'au 19e siècle, on mange jusqu'à 2 millions de pigeons par an à Paris. Voilà. Alors qu'aujourd'hui, on se contente d'en manger dans toute la France 8 millions à peu près. Donc, c'est quand même déjà pas mal. Hein. Mais voilà, on consomme 8 millions de pigeons aujourd'hui en France chaque année. Si on prend en compte l'inflation et l'augmentation de la population. D'ailleurs, je me demande qui sont ces gens qui mangent du pigeon au point d'en avoir 8 millions. Clairement, je ne les connais pas. Je ne sais pas si vous les connaissez. Alors, là, nous avons une recette de pigeons de racan entier en cocotte, artichaut sauté cru, crème de topinambour par Alain Ducasse. C'est vrai que ça je me envie. Permets quand même de vous donner les ingrédients. Hein. Donc, il nous faut 4 pigeons bien dodus. 2 racans, on ne sait pas où c'est, on s'en fout. 2 gousses d'ail et 1 branche de sauge. Et après, il faut aussi tout un attirail pour le jus de pigeon, mais je vous le passe. Il vous faut 2 artichauts et des chips de topinambour. Et donc après, bah, vous irez sur le site internet, mais ça existe. Et même les plus grands chefs ont donné toute attention aux pigeons. Ils l'utilisent encore aujourd'hui. Et on peut avoir des recettes gastronomiques de pigeons. Mais ça coûte cher. Pigeon est-il un plat de riche ? Aujourd'hui, oui, sans doute. En tout cas, merci Anne-Gaëlle pour cette recette. J'espère que nos auditeurs sont au moment du repas, hein, histoire d'aiguiser leur appétit. Mais ne nous quittez pas, malgré votre faim qui vous tiraille. Parce que donc, on va juste terminer avec le pigeon comme objet de puissance. Parce que donc, le pigeon, c'est un objet de richesse, jadis, au moins aujourd'hui. Notamment avec la question de guano, notamment avec la question du guano. La question du guano, mais oui, bien sûr, guano, c'est aussi le pouvoir. Et effectivement, depuis le Moyen-Âge, et même peut-être depuis avant, on récupère donc les fientes de pigeons qui peuvent faire un excellent engrais pour l'agriculture. Et il y a un dicton en espagnol qui dit « Quand l'oiseau chie, l'homme s'enrichit ». Ah, oh là là. Donc voilà, historiquement, cette question rejoint celle des pigeonniers, oui. Puisqu'en fait, l'intérêt pour les propriétaires terriens, les nobles, c'était d'avoir le plus de pigeons possible pour alimenter en engrais leurs terres. Et donc, plus on avait de pigeons, plus on avait de terres, et ça permettait notamment de se montrer souvent très riche, voire plus riche qu'on ne l'est. D'ailleurs, d'où vient l'expression être un pigeon ou se faire pigeonner ? Eh bien, ça vient tout simplement que pour bien doter sa fille, il était possible donc de construire des pigeonniers dans son jardin et se faire passer pour plus riche. Son jardin, mon jardin de 4000 hectares. Voilà. Son petit jardinet. Hein. Voilà. Ouais. Et ce qu'il faut savoir d'ailleurs, c'est que le droit, enfin en tout cas le monopole de se faire construire des pigeonniers a été aboli lors de l'abolition des privilèges le 4 août 1789. Oui, on le dit peu, ça, ouais, quand même. On le dit peu, et ça a permis à tout un chacun de pouvoir profiter du bénéfice des. Voilà, et surtout, ça donnait aux paysans le droit de chasser les pigeons parce qu'ils défonçaient leurs terres, etc. Donc, d'où les 2 millions de pigeons mangés. Fin d'un privilège de la noblesse. Voilà. Ouais. Et le développement de la colombophilie, démocratisation de la pratique, notamment la création, par exemple, de concours de beauté, enfin voilà. Ce sont des détails sur la colombophilie. Alors, il y a cette anecdote terrible qui a eu lieu en Espagne l'année dernière, à Barcelone, à l'ouverture du parc Ferrariland, ce grand parc d'attractions. Si vous l'avez déjà testé, grand bien vous fasse. C'est le parc on qui... On ne fait pas de pub pour les autres émissions de France Inter, je t'en prie. C'est le parc qui a le grand 8 le plus rapide du monde, à la vitesse d'une Ferrari. Donc, plus de 100 km/h. Et des premières personnes qui l'a inauguré, c'est pris un pigeon en pleine face, enfin plutôt en pleine GoPro, ce qui a occasionné peu de dommages pour la personne, mais la mort du volatile. Et ça, je tiens à souligner que c'est quand même. C'est quand même terrible. Ouais. Donc, je crois qu'on a tout dit sur cet aspect historique. Si vous le dites. Il me semble. Eh bien, maintenant, on passe à un intermède musical. Car ils bourgeonnent, que décembre gèle, ils sont fiers et contents. Ce pigeon est aimé 3 jours par sa pigeonne. Ça lui suffit, il sait que l'amour n'a qu'un temps. Ce dindon a toujours béni sa destinée. Et quand vient le moment de mourir, il faut voir cette jeune oie en pleurs. C'est là que je suis né. Je meurs près de ma mère et j'ai fait mon devoir. Elle a fait son devoir, c'est-à-dire que honque. Elle n'eut de souhait impossible, elle n'eut aucun rêve de lune, aucun désir de jonque, l'emportant sans rameur sur un fleuve inconnu. Et tous ont ainsi fait vivre la même vie. Toujours pour ces gens-là, cela n'est point hideux. Ce canard n'a qu'un bec et n'eut jamais envie ou de n'en plus avoir ou bien d'en avoir deux. Ils n'ont aucun besoin de baiser sur les lèvres et loin des songes vains, loin des soucis cuisants, possèdent pour tout cœur un viscère sans fièvre, un coucou régulier et garanti disant « Oh les gens bienheureux, tout à coup dans l'espace, si haut qu'il semble aller lentement un grand vol, en forme de triangle, arrive, plane et passe, où vont-ils, qui sont-ils, comme ils sont loin du sol, regardez-les passer, eux, ce sont les sauvages. » Ils vont tout leur désir, le vœu, par-dessus mont, et bois et mer et vent, et loin des esclavages, l'air qu'ils boivent ferait éclater vos poumons. Regardez-les avant d'atteindre sa chimère, plus d'un l'aile rompu et du sang plein les yeux, mourra ces pauvres gens, ont aussi femme et mère, et savent les aimer aussi bien que vous mieux. Pour choyer cette femme et nourrir cette mère, ils pouvaient devenir volailles comme vous, mais ils sont avant tout des fils de la chimère, des assoiffés d'azur, des poètes, des fous. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes, rien de vous ne pourra monter aussi haut qu'eux, et le peu qui viendra, deux à vous, c'est leur fiente. Les bourgeois sont troublés de voir passer les gueux. Regardez les vieux coqs, jeunes oies édifiantes. Rien donc voilà, de vous ne après pourra monter musical, aussi haut que. Et le peu qui viendra, deux à vous, la lente, c'est leur fiante. Les bourgeois cœur, sont troublés de voir passer les gueux. Ben oui, parce que si nous prenons par exemple une place emblématique, la place Saint-Marc à Venise, hein, donc Venise c'est normalement la ville des chats, mais en réalité quand on va place Saint-Marc, qu'est-ce qu'on voit? On voit des pigeons. Et les touristes aussi. Il y a eu une grande tradition touristique de nourrir ces pigeons et également de nombreux magasins pendant très longtemps. jusqu'à ce qu'une loi passe en 1997, considérant que le fait de nourrir les pigeons soit un crime passable d'une amende de 500 euros. C'est quand même fort élevé. Et donc, les 18 personnes qui revendaient des graines sur la place ont dû plier bagage. Est-ce que ce n'est pas un symbole, finalement, de la chute du pigeon dans nos cœurs ? C'est surtout une augmentation du chômage, déjà. Et toi, tu penses global. Ça n'aurait pas eu lieu aujourd'hui. Est-ce que l'Italie avait besoin de ça ? Est-ce que l'Italie avait besoin de ça ? Eh bien, d'après les actualités récentes, non. Une anecdote à ce propos, à Place Saint-Marc, avec tous ces pigeons, ça a donné l'idée, dans les fin des années 70, il me semble que c'est en 78 ou 79, je crois, vous vérifierez, Coca-Cola a eu l'idée de faire une publicité en écrivant Coca-Cola avec des pigeons sur la Place Saint-Marc, en mettant des graines C-O-C-A-C-O-L-A, pour nos auditeurs qui n'ont pas l'image. Analphabète. En 8 lettres. Voilà. Donc, ils ont écrit de manière géante Coca-Cola sur la place Saint-Marc. Voilà, vous pourrez aller regarder la photo. Petits amis. Bon, mais est-ce qu'aujourd'hui, finalement, le pigeon n'a pas une image bien, bien dégradée, quand même ? On n'apprécie pas trop trouver des pigeons dans la rue. Je ne sais pas si la couleur même du pigeon, finalement, n'est pas déjà un indice, puisque le gris est le symbole de la saleté. Alors, qu'est-ce qui participe finalement à cette nuisance ? En quoi on considère que c'est un animal vraiment dégueulasse ? Le roulement du pigeon en était fortement... Grosse nuisance sonore. Grosse nuisance sonore, fortement. 12 kilos de fiente par an et par pigeon. Je vous laisse sous-peser ce chiffre. Hein. Multiplié par le nombre de pigeons à Paris, par exemple, 80 000. Vous parliez de la place Saint-Marc tout à l'heure. Venise, c'est 120 000 pigeons, soit le double des habitants de la ville. Voilà, et on estime que pour un habitant, il y a... Non, c'est l'inverse. Pour un pigeon. Pour un pigeon, il y a 25 Parisiens. Vous imaginez, moi, je ne supporte déjà pas les Parisiens, alors les pigeons... Alors, en plus, donc, les maladies, n'oublions pas les maladies. Avant tout, parlons du sociologue qui a écrit dans le New York Times en 2006, qui est recensé finalement le 155 ans d'articles haineux contre les pigeons, qui démontrent en fait qu'ils sont devenus des nuisances récemment, une part incontrôlable de la nature en ville, puisque la nature est un lieu de maîtrise. Chez nous, les Français, en plus, on fait des jardins à la française. Mais moi, bon, je veux bien un petit peu de nature dans la ville, mais si vous me donnez la verrue de la nature, moi, je dis non, quoi. Le pigeon, enfin, je veux dire, les Londoniens ont les écureuils, mais nous, les Parisiens, nous avons le pigeon. Mais restons impartial. Donc, il y en a qui rampent. Il analyse ses 155 articles et il écrit « L'étendue de notre mépris et de notre méfiance vis-à-vis de ces oiseaux est impossible à quantifier. » Et je lui donne plutôt raison. Alors, donc, le problème principal des pigeons, on y revient toujours, mais c'est les fientes. Donc, le problème commence à altérer les bâtiments, l'acidité, commence à, notamment les statues qui sont totalement dégueulasses à cause de ça. Savez-vous, par exemple, qu'un mètre de petit grillage avec des picots anti-pigeons coûte quand même 100 euros. Imaginez le nombre de monuments historiques à Paris. Après, et qui c'est qui paye ? C'est qui paye ? Le contribuable. C'est nous, c'est nous, c'est encore nous. Ah oui. Merci, madame la maire. Alors, justement, vous parlez des moyens de lutte, c'est ça ? Alors, comment on fait pour lutter contre ça ? Justement, vous parliez des picots, Anne-Gaëlle, ces maîtres de picots qu'on voit placés partout, qui défigurent aussi nos monuments, en quelque sorte. C'est un peu aux pigeons ce que sont les bancs anti-clochards. C'est la même chose, d'ailleurs. Tout à fait, c'est ça, on peut faire un parallèle. Un parallèle malsain, si je puis me permettre. À l'urbanisme anti-SDF, il y a aujourd'hui un urbanisme anti-pigeons, puisqu'on retrouve des pigeonniers contraceptifs pour éviter justement une prolifération. Et ça ne marche pas très bien. Alors, après, le pigeonnier contraceptif, on en a 7 à Paris, et qui permettent justement de contrôler en fait toute cette population de pigeons en stérilisant les œufs, en stérilisant les animaux. Et bon, ça marche pas très bien, mais dans certains pays, ils ont eu le réflexe encore plus débile, si je puis dire, d'abattre les pigeons. Or, les pigeons, c'est des animaux sociaux assez intelligents. Ils ont bien capté que quand ils se faisaient abattre, leur population diminuait. Donc, ils se reproduisent encore plus que d'habitude. Et ça, il y en a encore plus qu'avant. La solution qui me plaît aussi, c'est l'utilisation de faucons. De prédateurs. Voilà, de prédateurs. On revient un peu à la mode médiévale. Et puis, quel plus beau spectacle, voilà, place Notre-Dame, de voir ce fauconnier envoyer son oiseau déchiqueter un pigeon. C'est ça, ouais. Voilà, devant l'objectif voilà, des touristes. Finalement, on est dans un retour à la nature avec ce qu'on appelle hein, les oiseaux féreux. Féreux, voilà, ah, qui s'écrit. Féro. Merde. Oh, attention. Bon, mais alors finalement, cette vision de nuisance de pigeon, est-ce que c'est finalement pas lié à désormais son inutilité ? Le pigeon n'est plus messager, le pigeon n'est plus un repas. Le pigeon a un œil injecté de sang. À quoi sert-il ? Donc le pigeon ne sert plus à rien et c'est ça le problème, c'est que c'est là qu'il pullule. Voilà. Et il prospère. Mais pourquoi voulez-vous que les animaux servent à quelque chose ? Est-ce qu'on parle de la discrimination envers les habitants des villes qui nourrissent les pigeons ? Hein ? Parce qu'il y a quand même certaines attaques qui sont recensées. Par exemple, le collectif Amis des pigeons protège les personnes qui nourrissent les pigeons. Alors, si la police nous écoute, hein, n'oubliez pas de faire une enquête sur cette obscure association. Il est temps de dénoncer ces gens. C'est intolérable et ils sont sûrement la cause de la baisse du tourisme à Paris. Donc n'hésitez pas à dénoncer ces gens à la commandante tour la plus proche. Voilà, et nous relayerons vos appels. Lisais pas plus tard qu'il y a 3 minutes une anecdote sur une personne, un habitant de Tübingen qui aurait maltraité un pigeon et une fois qu'il aurait été arrêté par d'autres passants, il aurait jeté ce pigeon dans la rivière. Est-ce qu'il y a une rivière à Tübingen ? Je n'en sais rien. Probablement. Si. Il y a plein de rivières en Allemagne. C'est quand même un bon exemple du désamour des pigeons. Alors donc aujourd'hui, surtout, le problème du pigeon, c'est son potentiel en tant que porteur de maladies, avec les pandémies. On en vient à la grippe aviaire, H5N1. Alors il est résistant à la grippe aviaire. Alors. Mais néanmoins, dans. Si je peux me permettre. Bien sûr, mais pour l'opinion, le pigeon est un vecteur de maladie. Quand on regarde les pattes du pigeon, on a l'impression qu'ils sont malades et qu'il peut transmettre à l'homme certains parasites. Alors d'ailleurs, c'est là qu'on peut citer un arrêté ministériel français, hein, mesdames et messieurs, donc qui interdit depuis 2005 le rassemblement d'oiseaux ou leur vol en liberté. Voilà. Et que fait la police ? Avec une dérogation pour les pigeons voyageurs. Mais néanmoins, normalement, les pigeons n'ont plus le droit de se rassembler dans la rue depuis 2005. Donc, je ne sais pas vous, mais je trouve que la loi est peu appliquée. Je vois toujours plein de pigeons rassemblés. Est-ce que ça a été modifié avec l'état d'urgence ? Parce que c'est... Je pense qu'aujourd'hui, les pigeons n'ont pas le droit d'être plus de 3 dans la rue. Voilà, c'est ça, une réunion de plus de 3. Il y a couvre-feu pour les pigeons. Est-ce que lors d'un rassemblement de pigeons, on instaure des fouilles vigipirates à l'entrée ? Et d'ailleurs, le ministre de l'Intérieur s'appelant Colombe. Je vois que l'état de droit n'est pas respecté dans notre beau pays. Hein. J'ai l'impression qu'il y a un peu une connivence. Il y a un laisser-faire. Je vous remercie, Maxime, d'avoir révélé cette affaire que la France ignore. Les pigeons. Mais d'ailleurs, ça me fait penser qu'il n'y a pas beaucoup de films, de dessins animés avec les pigeons. Hein, le pigeon dans la culture. Alors, je crois qu'il y a le dessin animé sur Vaillant, qui est un peu tout pourri. C'est vrai. Alors, la colombe, par contre, elle bénéficie d'un traitement très important dans la peinture, que ça soit dans l'art pompier, les classiques, les modernes, jusqu'à la colombe de Picasso. Mais alors, le pigeon, on ne trouve pas grand-chose. Mais par contre, il semblerait que le pigeon soit un très bon critique d'art. Alors voilà, c'est là qu'on va pouvoir passer à cette deuxième sous-partie, dernière sous-partie de cette émission. Donc merci Angel pour cette transition de qualité. Donc on souhaite savoir, le pigeon, certes aujourd'hui, il a perdu de son aura, mais finalement c'est un oiseau qui s'est révélé ces dernières années par les découvertes scientifiques. Alors tout d'abord, on va répondre à cette question, le pigeon est-il con ? Alors pigeon roi des cons, on aurait envie de dire, mais non, finalement le pigeon semblerait plutôt un animal relativement intelligent, puisqu'il a conscience de lui-même. Par exemple, on lui a fait faire le test du miroir, et il est capable de se reconnaître dans le miroir, ce que ne peut pas faire un bébé, et ce que ne peut pas non plus faire un chat. Ou un chien. Donc, c'est-à-dire que le niveau, en termes intellectuels, s'élève à peu près au niveau de l'humain, en tout cas à ce niveau-là, du grand singe, ou encore du dauphin. Mais si on voulait en revenir à l'expérience avec de la peinture, donc des pigeons, ont été mis dans une situation de détection de beaux dessins et de dessins moins beaux. Donc, c'est une expérience japonaise où on a mis des graines en fait, sur les dessins que les scientifiques trouvaient beaux. Et on n'en a pas mis sur des dessins qui étaient jugés moins beaux. Et ben, les pigeons, ensuite, même sans graines, étaient capables de reconnaître les beaux dessins. Donc, on a réussi à former leur goût artistique. Et de la même manière, on a réussi à former les pigeons à reconnaître des peintres. C'est-à-dire, en gros, tout fonctionne sur un système d'apprentissage avec des graines. Ça veut dire que si on lâche des pigeons dans le palais de Tokyo, ils meurent tous ? Alors, dans le palais de Tokyo, je pense clairement ils font un AVC tous s'ils décident de se barrer. Non, mais en gros, c'est qu'on a fait une expérience où on leur donnait des graines selon certains peintres et on ne leur en donnait pas selon d'autres. Et ce qui fait qu'après, quand on montre une peinture d'un peintre ou de l'autre, mais pas la même, mais du même style, ils arrivent à reconnaître avec lequel il faut commencer à picorer l'écran pour avoir droit aux graines. Donc, ils savent repérer des styles artistiques chez différents auteurs. Quoi. On avait fait ça avec Picasso, Braque et Matisse. D'observation assez développée. Tout à fait. Alors, à savoir que cette étude a reçu le prix Ig Nobel de 95, qui récompense tous les ans les chercheurs, les études les plus... farfelues. Un peu les plus inutiles. Quoi. Donc, qu'est-ce qui a pu être révélé encore ? C'est qu'ils savent faire la différence entre des compositeurs. On fait des blind tests de pigeons, ils savent faire la différence entre une Bach et une Stravinsky. Ça a été démontré. Et enfin, ça va être un peu long à expliquer, donc on ne va pas le faire. S'ils sont aussi très bons en mathématiques, mais on ne va pas le faire. C'est très très long à expliquer. Raconte-moi pourquoi, quand le présentateur a ouvert une porte, c'est plus intéressant de changer de porte que l'initiale. Je vais expliquer cette histoire. Alors, donc, les pigeons ont révélé qu'ils avaient des talents mathématiques. Donc, c'est dans ce qu'on appelle le paradoxe de Monty Hall. Monty Hall, c'était une émission de télé américaine des années 80, je crois, où à un moment, à la fin, les joueurs devaient choisir entre trois portes. Alors derrière une des portes, il y a un super cadeau. C'est exactement la même chose que Big Deal avec le rideau. Voilà, c'est le Big Deal avec le rideau, pour ceux qui se souviennent. Donc derrière une des trois portes, il y a un super cadeau. Derrière deux portes, d'autres portes, il y a des chèvres. Voilà. Donc voilà, c'est un certain concept. Hein. Et le joueur doit sélectionner une porte. Là, le présentateur, en gros, ouvre une des deux portes restantes. Il offre que la porte qui contient encore une chèvre. Donc, ce qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec deux choix, où ça peut être deux chèvres, ou le cadeau et une chèvre. Donc voilà, le présentateur, comme ça, il crée un peu de suspense, ça ne change pas grand-chose. Parce que forcément, il peut toujours ouvrir une porte ou une chèvre derrière. Cette explication est très compliquée. Pourquoi mathématiquement, c'est plus intéressant de changer ? Mathématiquement, c'est que on laisse au joueur la possibilité de garder son premier choix ou de changer. Mm-hmm. Et mathématiquement, et je ne sais pas l'expliquer... On est censé changer de choix. C'est mieux mathématiquement. Le pigeon sait le faire. Le pigeon le fait. Lui, il change. L'humain, non. Parce qu'il se maintient sur son premier choix. Alors, comment on a fait cette expérience avec le pigeon ? J'en ai aucune idée. Ils ont encore utilisé des graines. Mais déjà, je ne comprends pas l'expérience en tant que telle avec ce système mathématique. De toute façon, vous avez une heure, c'est une émission de non-spécialistes, hein, comme on l'a encore démontré aujourd'hui. Émission de toutologue, nous avons un avis sur tout. Donc, finalement, la conclusion de ces aspects, de ces expériences, ces découvertes qui ont été faites sur les pigeons, c'est que les pigeons sont même pas si cons. Ils ne sont pas cons, ils savent surtout s'adapter à tout et à leur environnement. Ouais, et en termes d'adaptation, je voudrais rapidement évoquer ce petit article du Dauphiné. Hein, équipé d'un petit sac à dos, il faisait entrer de la drogue dans le centre pénitentiaire de la province de La Pampa jusqu'à 15 fois par jour. En Argentine, non. La police a annoncé avoir abattu ce trafiquant, pas comme les autres, un simple pigeon dressé par les dealers. Il est tombé sous les balles de la police alors qu'il s'apprêtait à se poser. La photo du cadavre du volatile est devenue virale sur les réseaux sociaux. Hein. Pauvre bête. Et donc, on va peut-être terminer sur la question de la parité chez les pigeons et de leur rapport homme-femme chez les pigeons, si je puis dire. Alors, il y a un sujet. D'abord, les pigeons sont monogames. Les pigeons sont fidèles. Les pigeons sont fidèles. Mmh. Les pigeons sont monogames. Est-ce que les pigeons sont chiants ? Alors, les pigeons sont-ils chiants, sages ? Je ne sais pas. J'avoue que je n'ai pas eu possibilité de parler couple en fait, et relation avec les pigeons. Que fait un pigeon de sa journée, globalement quoi ? Ça roucoule. Ça roucoule, ça chie, ça remue la tête. Ça mange. Ben, voilà, ça mange. Non, c'est omnivore. Hein, et parce que c'est bien mais beau. Ça se reproduit souvent quand même. Hein, alors, vous me parlez d'art, vous me parlez mathématiques. Voilà. Mais ça se reproduit souvent. Il y a un certain bonheur dans le couple chez le pigeon. Voilà, c'est la preuve. Mais alors, ce qui est intéressant chez le pigeon, c'est la parité. Parce que le pigeon mâle et la pigeonne allaitent ensemble les enfants. Alors, comment c'est possible, ça, Lou ? Alors, c'est parce que, donc, j'ai trouvé cette information, ils ont une glande dans leur cou qui sécrète un ersatz de lait. Je cite au mot près. Est-ce que tu ne serais pas en train, lui, de nous prendre pour des pigeons avec alors, cette information ? Non. Voilà, c'est une information scientifique. Les pigeons peuvent allaiter. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que nous... on en est capable de partager autant les tâches. J'ai pas l'impression. Je pense qu'on fait pas assez d'efforts. Il est temps de le dire une fois de plus. Parlez pour vous, monsieur. Écoutez, Maxime, est-ce que vous voulez me parler de comment vous sécrétez des ersatz de lait ? Ça se passe comment pour vous ? Je ne vais pas vous faire un dessin, Louis-Vladimir. Nos auditeurs ne comprendraient pas. Parce que nous sommes à la radio. Et bien, qu'est-ce qu'on doit en retenir, en fait ? De quoi ? De ça ? Bah, la parité. La parité, le partage. Donc, voilà. Lui, en fait, le pigeon partage aussi les positions sexuelles, de même qu'il partage les tâches ménagères. Et je pense qu'il n'y a pas de plus beau message à l'humanité que cet exemple. Donc en conclusion, maintenant que nous avons rejeté le pigeon comme étant un animal sauvage, ne serait-il pas temps de s'en inspirer ? Par contre, pour conclure, moi je vous ai préparé un petit questionnaire. Ah. Un questionnaire de questions. Vous étiez un animal, est-ce que vous seriez compliqué ? Pigeon. Quatre questions, deux par candidat, pour essayer de vous départager ou pas. Et maintenant. Je suis aussi fort en maths qu'un pigeon. Attention. Laquelle de ces qualités n'a pas la fiente de pigeon ? Je cite. Première réponse. Donc, c'est un engrais très efficace. Il permet de dégrader des statues moches. Il permet de faire pousser la barbe. Et il participe à la réduction de la population humaine par la diffusion de maladies, ou en tout cas, il essaye de le faire. Alors, j'imagine qu'on a le droit à plusieurs réponses. Ah non, il n'y a qu'une seule réponse. Forcément, étant barbu moi-même... je répondrai la barbe, puisque j'ai déjà capturé un pigeon et essayé de m'appliquer de la fiente de pigeon sur ma barbe. Et ça n'a pas fonctionné. Et j'ai dû aller acheter de la mousse à raser. Et c'est une bonne réponse. Mais par contre, c'est une sorte de rumeur tenace comme quoi ça permet de faire pousser la barbe. Et je ne sais pas qui est le mec qui a fait ça. C'est faux, mais il y en a qui y croient. Et ben je le répéterai dorénavant. Alors, Anne-Gaëlle, pour toi. Donc, qu'est-ce que la colombophilie ? Est-ce que c'est l'amour de la série Colombo ? Est-ce que c'est une passion pour le Colombo, ce délicieux plat antillais ? Est-ce que c'est une attirance irrépressible pour la capitale du Sri Lanka ? Ou est-ce que c'est le fait de pratiquer l'élevage de pigeons ? Bon, je regrette qu'il n'y ait pas une cinquième possibilité avec l'adhésion à la politique de Gérard Collomb. Oui, mais je pense que c'est néanmoins la quatrième réponse, la bonne réponse. Tout à fait, tout à fait. Donc ça fait un point partout, le match est vachement serré. Donc troisième question et donc deuxième question pour Maxime. Combien y a-t-il de pigeons dans le monde à 1 million près ? S. 65 millions, ce qui est étonnamment la population de la France. Mais oui. S. Nous ne sommes pas tous des pigeons. 9 944 364 244 sont l'Observatoire international des pigeons. L'ONP. Célèbre. Très bien connu, l'OIP. S. 400 millions. Ou est-ce que tout simplement, on ne sait pas et on ne peut pas le savoir puisqu'il y en a beaucoup trop, il y en a qui sont cachés, etc. Oh non. Des milliards. Je reprendrai l'OIP, l'ONP. Eh bien, c'était 400 millions. Oh, oh. Mais, à mon avis, c'était avant. Parce que maintenant, ils sont beaucoup plus nombreux. Et avant, comme c'était l'attestent mes observations personnelles. Donc, alors, il y a peut-être une chance pour Angel de gagner ou d'être sur une égalité où les deux seront obligés de revenir, malheureusement. Donc, en 2012, nous avons connu le mouvement des pigeons, qui étaient donc des entrepreneurs qui n'étaient pas très contents contre le gouvernement. Voilà, on n'en a pas parlé, c'est vrai. Mais lequel de ces mouvements politiques n'a pas existé ? Il y a 4 possibilités. Alors, il y a 4 possibilités. Les canaris, les autruches, les grands géocoucous, les pigeons du bâtiment. C'est vachement chaud. c'est la question la plus difficile. Je répète. Les canaris, les autruches, les grands géocoucous. C'est vrai que le grand géocoucou, c'est l'animal qui fait bip bip dans Bip Bip et Coyote. Et les pigeons du bâtiment. Je pense que je partirais sur les canaris. Eh bien, c'était les grands géocoucous. Et merde, j'ai hésité pourtant. Et donc voilà, chers auditeurs, donc, comme nos deux candidats ont chacun répondu correctement à une question, mais aucun n'a réussi à se départager, eh bien, ils vont être obligés de revenir pour se départager la prochaine fois. C'est quand même pas de bol. Hein. C'est quand même pas de bol. Voilà, c'était tout ce qu'il fallait savoir et tout ce que nous voulions vous raconter à propos des pigeons. Nous avons fait du mieux que nous pouvons, c'était notre première. On a un peu survolé le sujet. Hein. Oh là là. En tout cas, si vous nous avez écoutés jusque-là, bravo. Et merci. De bec. Bon courage pour le montage. Et voilà, ça c'est pour moi, c'est un message perso pour moi. Mais en tout cas, nous vous remercions de nous avoir écoutés et nous espérons recommencer bientôt. Donc, au revoir. Beaucoup trop cher, Angel. Attends. Alors, attendez, juste avant, est-ce que ça vous a plu? Ouais. Ça va. Est-ce que vous reviendrez malgré votre défaite au jeu? Ouais. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà, c'est bon. Ils sont bien, ils sont gentils, ils sont disciplinés. On les remercie chaleureusement. Je vous fais des gros bisous.